CFME 91.9 FM, la radio du Festival de musique émergente. Plus que des semaines, ça fait des mois qu'on attend ça. Tout tourne pas dans la région, pour squatter la station. Autant d'animateurs que de questions en un quart d'heure. C'est ça que t'auras dindin à 70%. Jules de Rouyn-Noranda, tout est là pour toi. Pis tu l'auras dindin à 70%. Tout est là pour toi, on s'est brossé les dents pour 70%. Oh oui! Wow! Oh yeah! Oh yeah! Merci infiniment à Deux Folles et un Banjo qui ont un ukulélé ce soir pour faire la tune thème qu'ils ont composé spécialement pour cette édition de 70% au FME 2015. Mon nom est Tommy Godette, vous écoutez CFME 91.9 et je suis flanqué un petit peu comme à l'habitude d'une belle ribambelle. Je vais y aller dans le désordre. Salut Élise, salut Guylain, Maria, Vincent, merci bien gros, bon travail, ça a été un plaisir. Merci à Deux Folles et un Banjo, on parle de René et Marianne. Merci à Jean-Patrick. Jean-Patrick, tu es ici avec nous pour... en fait, ça va être comme ta quatrième chronique sur... On parle de Camille Sanson, un Rouyn-Norandien. Cette fois-ci, célèbre. J'ai mélangé les deux, j'ai pris la chanson. Je tiens d'ailleurs à m'excuser pour l'extrait d'hier qui était vraiment grincheux. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref, ça a piqué, cette fois-ci, ça sera pas le cas. OK. Merci beaucoup, c'est gentil. Andy Jacques? Oui, salut, ça va? Ben certain. Mm-hmm. Moi, aujourd'hui, aujourd'hui, je parle de ma grand-mère, mon héroïne, qui a grandi au Témiscamingue, dans le pittoresque village de Moffett. Elle a eu une vie pas très, très facile, donc ça sera pas drôle. Yeah! Mais elle est encore en vie aujourd'hui, donc elle a gagné. OK. Ben, ça, on est content. Lui souhaite le mieux possible. Yep. Au jeu de la vie, le but, c'est de gagner. Et voilà, le but, c'est de gagner. Vous avez reconnu Bruno Corbin, Love Me Tender, Love Me Doux, ça brasse de ce côté-là. Écoute, je pense que je suis arrivé à un certain point pour le FME cette année, pour Rouyn-Noranda. J'ai trouvé un petit peu ce que je cherchais. Je pense pas que j'ai trouvé l'amour, mais j'ai peut-être trouvé un petit peu de vérité. Un peu de vérité. Donc, peut-être un petit récapitulatif et trois autres conversations intéressantes. Et puis après ça, c'est fini pour le FME. Là. C'est fini pour le FME. Est-ce que tu penses que l'idée a germé? Est-ce que ça va devenir une classique? Ça pourrait être quelque chose qui risque d'être refait à l'occasion. Ouais. Peut-être que dans une ville plus grande aussi, que tu vas pouvoir te laisser plus extravaguer. Oui. Peut-être. Voilà. Ouais, ouais. Faut dire que là, tu étais de la viande importée ici à Rouyn-Noranda. Voilà. Très belle ville. On a eu un très beau festival. Je veux prendre un petit bout de temps en début d'émission pour remercier l'organisation. Hein. À la fin, on va se remercier entre nous. Mais pour l'instant, ce que je veux, c'est remercier Vincent, la technique et tous ceux qui ont fait qu'on a pu venir faire de la radio ici sur les ondes hertziennes. Présentement, il y a déjà encore une fois une bulle qui grandit à la vitesse de la lumière autour de la Terre avec une toune des Deux Folles et un Banjo. C'est un concept qui est très, très, très intéressant. Sinon, ben, il y a aussi, hier, on vous a fait écouter des très belles affaires. Je suis très content d'offrir ça à la galaxie, en fait, qu'on ait finalement le potentiel. Sinon, ben, mesdames, vous allez nous jouer une autre chanson avant qu'on poursuive l'émission. Bien sûr. Oui, on va profiter de votre présence. Parle-moi. Non, c'est ça, c'est de notre nouveau répertoire, mais... Comme tu l'as dit, Tommy, c'est notre dernière soirée au FME cette année. Oui. Alors, qui était notre première à nous, Deux Folles et un Banjo. Mm-hmm. Puis vraiment, on a passé un très beau moment à Rouyn-Noranda. On t'aime fort. Puis les organisateurs du FME, bravo, encore une fois. Très belle initiative pour le off également. On remercie Dr. V, naturellement. Oui, il est cool, lui. Ouais. C'était vraiment hot. Moi, le show que vous avez joué en avant du garage, c'est un moment... totalement unique de la vie. Ah oui, public, peut-être que tu le sais pas, mais Andy l'a traduit en langage des sourds. Et voilà. C'était peut-être notre deuxième endroit le plus cool où est-ce qu'on a joué. On a joué dans une église en France, genre... qui date du 13e siècle. C'est ça, puis devant le garage Roux. Et voilà. On pouvait pas toucher. Deux temples, chacun à leur hauteur. Là-dessus, mesdames, vous allez nous chanter quoi, là? C'est une nouvelle chanson. Encore? Ça comme parle... Gino d'hier. Ouais, ouais, on les casse toutes. C'est bon, j'adore ça. On casse ça avec toi, Noranda. On adore ça. Dans le fond, ça parle de nos enfances sur la rive sud. Ouh. Ça s'appelle les glandés. Dis, les deux folles sont contentes d'être à 70%. Les deux quoi? Vas-y, papa, je veux que tu dises 70%. Les deux folles et un banjo sont contentes d'être à 70%. 70%! Yes, let's go, on vous écoute, on est à 91.9. Venez voir, il y a encore plein de musique sur le site. Pour l'instant, deux folles et un banjo. Glandé à la pharmacie, pharmacie. Glandé à la pataterie, pataterie. Glandé fait partie des adages de ces rimes sans plage. Abribus de Saint-Hubert, glandé, là est ta latitude, enfant de la rive sud, glandé, glandé, dans le néant total, glandé. Glandé au centre commercial, glandé, glandé toute son adolescence, puis toute son existence. Ça arrive live au studio de CFME, au cœur du Festival de musique émergente de Rouyn-Noranda. Merci beaucoup, mesdames. C'était très touchant. Et puis peut-être un petit peu aussi dans l'air du temps. Uh-huh. Après 4 jours de tailgating, comme on vient de se savourer là, hein, Bruno? Moi, je sens ma journée moins énergique aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ben oui, ben oui. Ben en fait, on l'avait calé. C'est logique aussi de faire que le samedi soir, le troisième jour, c'est celui que tu te laisses aller un peu plus. Moi, j'évalue que j'ai bu entre 10 et 15 grosses canettes de bière hier. J'ai tout le temps été très, très drôle. Et ça, on est très content de ça. Sinon, ben, je veux terminer ce petit segment-là avant d'aller écouter le seul doux de Deux Gants Speedo qui chante. Vous n'allez pas voir ça. Mais je veux remercier beaucoup Marianne et René de s'être déplacés jusqu'à Montréal. Merci à toi, Douteux. Merci à toi, Tommy. Ça a été une superbe, belle aventure. Donc, on va. D'ailleurs, je vois le tas de cheveux et la calotte à screen que tout le monde préfère. Ça va être Dr V qui va venir prendre votre place. Yeah. Peut-être nous faire d'autres chansonnettes au fil de l'émission qui s'en vient. Pour l'instant, on écoute une hostie de niaiserie. Puis juste après ça, ça va être la chronique Love Me Tender de mon bon chum Bruno. Hostie qu'on a tailgaté, dude. Ce que toi tu veux. Ah. Oh, alors, chicks. comme si j'étais le seul tout qui connaît mon cœur. Le seul tout dans le monde, comme le seul tout qui est aux commandes. Parce que je suis le seul qui comprend comment, comment faire sentir comme GX. Que se fasse sentir comme si j'étais le seul tout dans le monde. Bonne job, JP. Content de t'avoir dans l'équipe, si ce n'est que temporairement. On verra pour la suite. Pour l'instant, Bruno, oui. Love Me Tender, parle-nous. Ben écoute, comme je disais, non, je n'ai pas trouvé l'amour à Rouyn-Noranda. À date. À date, ça reste pas fini, pense hein. Que là, c'est la, je pense que ma chance est terminée. Je vais tenter le coup peut-être à Montréal. À partir de maintenant, mais peut-être que toutes les conversations que j'ai startées à Rouyn-Noranda seront bientôt délitées. Peut-être. Donc voilà, je vais faire un petit retour sur ce qui reste. En fait, là, il y a Mélanie. C'est une expérience sociologique, ouais. Faut être. Oui, oui, totalement. Toi, tu t'es lancé là-dedans. À fond. Sociologique et artistique. Oui, oui. Ouais, je pense. Il faut les sortir, les ismes. Amen. Donc, il y a Mélanie, dont vous vous souviendrez, qui était là depuis les débuts. Mélanie, qui m'a réécrit. Vendredi, Mélanie, jeudi. Oui. Mélanie, voilà. samedi Mélanie. Et dimanche, Mélanie. On avait parlé de Magazine de Madame. Je lui avais demandé si elle pensait que la liberté, c'était pour elle, etc. On s'en souvient. Elle me revient avec la question: l'effervescence de Rouyn te satisfait jusqu'à maintenant? Ouh. Petit clin d'œil. Ce à quoi je lui réponds: je pense que c'est trop pour moi. à passer une fin de semaine dans la culture, on se rend compte qu'on haït ça, la culture. Moi, j'ai décidé que je m'éloignais de la culture le plus possible. En ce moment, je suis en train de regarder l'asphalte de très, très proche avec des bouchons dans les oreilles et un pince-nez. Il l'a fait pour vrai. On l'a fait. Oui. Ça me coupe totalement de toute forme de culture. Oh, il y a une fourmi qui est passée. Il a fallu que je la tue. T'imagines, elle aurait pu ramener de la culture. Bon, j'arrête tout de suite. Je commence à sentir une envolée lyrique émerger de mon subconscient, puis ça, on sait à quoi ça peut mener. Oui. De la crise de culture. Oui. Et d'ailleurs, faites attention, hein, regardez autour de vous. Douteux.org vous rappelle, il y a peut-être de la culture qui est chez vous et peut-être que cette culture-là influence vos enfants et pensez à vos enfants. Souvent, elle se cache dans les endroits où on s'en attend le moins. Ouais. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, tu dis ça et ça me rappelle que, voilà, même pas 10 ans, on lisait les bouteilles de shampoing en faisant c'est caca. C'est vrai. C'est vrai. C'est fini, c'est fini. Le téléphone on a tué aller ça. Sur le site web de la bouteille de shampoing sur notre téléphone pour pouvoir lire vraiment plus d'informations. Effectivement, oui. Ouais. On y va avec Madame C, une nouvelle Madame C. J'y vais comme suit. Salut Madame C, ma mère ne veut pas que je parle aux étrangers. Je vis dans une bulle de plastique pour me protéger des germes et des intempéries. Toute ma famille va voir des spectacles de musique, mais ils ne me laissent pas sortir. Je n'ai jamais vu le ciel à part dans le film Les pieds dans le vide, le seul film que mes parents me laissent voir. J'ai volé le téléphone de mon frère Bruno pour communiquer avec le monde extérieur. Veux-tu être mon ami? Oh. Là, j'ai attendu 13 hey, minutes. C'est, t'as vraiment... Wow. Vraiment une flamme. Artistique, c'est le mot. Il y a pas à dire. Là, c'est de l'art. Il y a une suite. Moi, j'aurais pensé, il n'y a pas de suite. Oui, alors j'ai attendu 13 minutes. Et je lui ai réécrit. Christine, je viens de trouver mon téléphone dans la bulle de mon frère. S'il n'était pas protégé par une barrière impénétrable, tu peux être certaine que je lui brûlerais des botches de cigarettes d'en face pour le punir. Désolé qu'il t'ait dérangé. Bonne journée. Alors, elle me répond... Elle me répond, « Oui, ça, c'est une grosse bulle, quatre points d'exclamation, et bonhomme qui rit, donc elle comprend que c'est une blague. » Ouais, que c'est une blague. Okay. Ou en tout cas, elle l'espère. Mais pas un bonhomme avec une langue. Là. Il y a vraiment... que tout aborde aussi la science de l'émoticon comme étant quelque chose. Oui. Un rallongement de l'écriture. Toi. Ouais. Ah oui, totalement. Bonhomme qui rit tellement qu'il pleure, ça, c'est... écoute, j'ai scoré, là. Clairement. On s'entend que j'ai scoré. Tu t'en vas à quelque part. Alors, c'est Madame C me répond « Bonhomme qui rit tellement qu'il pleure. » Et elle me dit « Ça, c'est une grosse bulle. » Je dis « Pas si grosse, mon frère est cul de jatte. » À cause de la fois où on l'a pogné à essayer d'utiliser ses jambes. Ah, c'est voilà. Je dis aussi « C'est pratique, on a gardé la même bulle depuis qu'il a 4 ans. Je t'avouerai qu'on cherchait un peu un prétexte pour le rétrécir parce qu'il grandissait et il fallait y acheter une nouvelle bulle. » Win-win, comme on dit. Et ça s'est terminé comme ça. J'attends toujours des nouvelles. Voilà. Ah, mais elle t'a pas délité. Non, elle m'a pas encore délité. Ah, il y a de l'espoir. Elle m'a toujours pas délité. Et je vais y aller avec ma dernière de la journée. Après ça, on passera aux autres chroniqueurs. Une autre, Madame S. Alors, j'y vais avec comme ça. Salut, Madame S. Avant que quoi que ce soit commence, je voudrais mettre des choses au clair pour ne pas que tu sois surprise. Je suis très égoïste au lit. Moi, faire des affaires pour faire plaisir aux autres, je comprends pas l'intérêt. Oh. Si c'est le genre d'affaires qui te turn on, on pourrait juste s'installer tout nu, un par-dessus l'autre, puis attendre que la magie se passe. Et là, j'attends sa réponse. Ah non, mais je veux dire, on sent aussi l'accumulation de dépit. Oui, voilà. Peut-être que t'étais triste un petit peu que ça n'allait pas fonctionner. Ben, c'est ma dernière journée, beaucoup de fatigue, voilà. Mm-hmm. Donc, je pense que tout ça accumulé comme ça, ça fait Et puis sinon, ton FME, comment ça s'est passé cette année par rapport à l'année passée? Mettons des noms que t'as à mettre dans la colonne des négatifs, des personnes. Oh, name drop. Non, fais pas ça. Ah bon, OK, c'est bon. Mais tu peux en mettre dans le positif. Moi, je te demande quelque chose, là. On va régler ça avec ça. Définitivement. C'est bon, j'adore ça. Et puis, pensez ça à vous autres aussi, parce que sûrement qu'après votre chronique, je vais vous demander un petit peu à quoi ça vous a fait penser cette année. Ce qui nous amène à... Non, je vais écouter une toune. Ouais, on va écouter une toune de mon oncle Serge qui a enregistré à 70% quand il est venu le 5 janvier 2015. C'est comme un inédit, un petit peu. Oh. C'est Coupe Couillard. Ouais, il a joué à Musique Plus, mais il a surtout joué à 70%. Vous êtes à 70% d'ailleurs, 70%. Sur les ondes de CFME 91.9. Au retour, ça va être notre bon chum, Dr. V. Ça va, docteur? Il a l'air de bouder. Alors, je ne suis pas encore rendu. Je suis encore sur la route, mesdames et messieurs. On est sur le bord de se rendre. C'est jam-pack, c'est au FME. L'autoroute, est, je répète, l'autoroute est complètement jam-pack. Il y a trop de monde ici. C'est complètement bouché. On espère que vous avez un bon concert en ce moment. Me recevez-vous comme faux? Oui, on vous reçoit. On était supposé jouer à soir, mais on a le premier ministre Stephen Harper qui va nous rejoindre dans l'instant. Si vous avez sa ligne téléphonique. Oui, on y va avec un petit texte. Moi, j'ai une question pour toi, Dr V, avant que tu nous quittes. J'imagine que tu es sur la 117, puis le parc. Je vous reçois très mal, je répète, on reçoit très mal ici. Là. Vous pouvez me poser des questions. Non, fais pas ça. C'est quoi tu veux dire? Le premier ministre Stephen Harper, il est avec nous. C'est de quoi tu parles? Il est sur la ligne. Il va être au téléphone avec nous plus tard. OK? Porte à toune, Tommy. Je parle à toune. OK, c'est bon. Une chanson d'actualité, mais c'est également une chanson à répondre. Et je vais solliciter votre participation au cours des deux prochaines minutes et demie parce que c'est à peu près la durée de la chanson. Alors, quand je vais dire « Coupe couillard », vous répétez « Coupe couillard ». OK, on fait un test. « Coupe couillard ». « Coupe couillard ». « Coupe couillard ». « Coupe couillard ». OK, vous êtes vite comprenneux, on peut commencer. 1, 2. Il annonce d'emblée ses couleurs. Rouge inocops et brun enveloppe. C'est la conclusion de tous les boches croches qui crossent. Le général fantoche des grosses poches. Tous les magouilleux et les escrocs rassemblés sous la bannière des libéraux lui pensent à hache et lui disent hey, le gros plein de soupe. Fais un magnota de toi-même. Oh ouais, coupe, vas-y, coupe couillard. Coupe couillard. Oh ouais, coupe couillard. Coupe couillard. Oh, coupe couillard. Coupe couillard, avec des dents de castor, vas-y, coupe couillard. L'autre jour, je suis allé pour la attention, fleur, oui. J'ai commandé un Docteur V. Oui, mercevez-vous. Oui. On s'est parqué ici, il y a un peu de vent, j'espère qu'il n'y a pas trop de feedback dans votre écran, là, mais on a arrêté de rouler sur le chemin, on est encore à 117, on n'est pas encore rendu dans le parc, mais j'ai en ce moment le premier ministre du pays en direct, l'entendez-vous? Canada, du Québec, Canada. Du Canada. J'ai visé sur le mauvais pays. Alors, on est ici pour parler de qu'est-ce que notre ami Stephen Harper a fait dans sa biographie avant de devenir premier ministre. Il a eu beaucoup de jobs, dont il a été musicien de chambre à l'hôtel Albert aussi une fois. Puis avant ça, avez-vous déjà été, mettons, chez Walmart? Il y a une petite caisse qui vous dit comment procéder, là. Vas-y, montre-nous que c'est toi, si c'est vrai. Mon premier travail, bien sûr. Alors, vous vous rappellerez. Quand vous venez chez Walmart, vous m'entendez et je dis « Veuillez passer à la caisse 3 ». Ah, que d'émotion. Alors, comment as-tu trouvé ton FME, monsieur le premier ministre? Avez-vous reçu notre message satellite que nous avons envoyé en filature? J'ai bien reçu le message, Vincent. Je me présente présentement à regarder les spectacles dans la ville de Noranda. Alors, je reçois ici un communiqué que vous êtes en ce moment au spectacle de Flesh God Apocalypse. Pouvez-vous me testimonier? Je te testimonie, Vincent. Alors, Tommy, voici qui est assez direct. Nous avons la confirmation du premier ministre personnellement qui, à 70%, vous approuve toute sa faveur. D'aplomb, Vincent. Et monsieur le premier ministre, je vous souhaite la plus mauvaise chance possible dans les élections qui s'en viennent. Alors, divisons le vote pour Justin Trudeau. Et voilà! Merci beaucoup. Ah, c'est quand même tout un coup, mon Vincent. Bonne fin de journée, puis enfarge-toi dans des marches. Là, je pense que notre bon premier ministre nous a quittés. Vincent, c'est quoi ça, ces contacts-là? T'es-tu encore dans ta voiture? T'es-tu encore avec nous? Tommy, tu me reçois encore. Je voulais juste te dire que nous sommes à 2 ou 3 téléphones maximum de rejoindre le premier ministre de Chine. Mais c'est pas un premier ministre, c'est plus un empereur dans ce coin-là. Tabarnak, on dirait que j'ai mangé de l'hélium raide, moi, là. Non, ça, c'est un effet réel. Quand tu parles à travers un ventilateur dans la radio en temps direct, c'est ça que ça fait. Je voudrais juste remercier mon ami Banville de me donner toute cette inspiration et son père Gaston qui m'a donné un code de policier tantôt. Il est un peu trop grand pour moi, mais je l'ai donné à un ami que lui, il va y faire beaucoup mieux. Wow! Merci, on te souhaite un bon retour dans le parc. Tu nous enverras des photos, enfin, sûr que tu vas. Ça apprécie. Ouais, ça commence pas pire. Hein, ça? Je pense qu'on va aller écouter La couleur des douteux, c'est orange. C'est quelqu'un qui nous l'a refait c'est Olivier. Merci beaucoup, Olivier. Vous êtes au CFME. Faites du bruit un petit peu. Vous êtes oui! 15%. C'est notre dernière édition de cette année. Il y a plein d'invités un petit peu partout. C'est le temps de venir toucher le crâne de Bruno Corbin. Ça porte bonheur. Là-dessus, on écoute La couleur des douteux de Olivier. Si vous avez des questions sur Noël, ça tombe bien, nous autres aussi. Tout ce que je veux pour Noël, des débris tombés du ciel. Tout ce que je veux ce soir, un grand boom rempli d'espoir. De l'espoir pour nous. Des douteux. Tout ce que je veux voir en vidéo, plein d'Américains à vie au boulot, prêt à faire tout ce qu'il faut pour sauver Noël très bientôt. L'Halloween est déjà passé, ce qui veut dire Noël va arriver. C'est la magie de Noël. Toutes les radios tournent, jingle bell. Tout ce que je souhaite pour toi, un Louvain qui chante la joie. De la joie pour nous, la couleur des douteux stars. Que je veux pour vous, c'est que vous l'audiez pas vos cartes cette année. Je sais, faut plaire au bout de chou, mais faudrait tout de même pas s'endetter. Je me permets un avertissement, qui est de vous rappeler de conduire prudemment. C'est la saison des parties, mais faudrait tout de même pas trop trinquer. Tout ce que je veux dans mon cœur, un hélicoptère aux premières lueurs, l'hélico fraboum, la couleur des douteux starins. Douteux voix, oh, et si tu es seul, viens douter avec nous, oui, avec nous. Divertissement, questionnement, des émissions comme 70%. Ensemble on s'interrogera, et avec nous ça explosera. Un hélicoptère qui finit à terre pour une explosion du tonnerre. S'il reste des questions sur Noël, ça tombe bien, il nous en reste aussi. Tout ce que je veux pour Noël, une belle pluie de débris. Tout ce que je veux ce soir, un hélico seul dans le noir. Et il fera boum, la couleur des douteux stars. Voilà, la couleur des douteux, c'est orange à douteux.org. Oui, vous êtes de retour en onde à 70%, ce qui m'amène à comme prendre un petit peu de votre temps pour en gagner. Je voulais remercier ma mère d'être patiente. Et voilà, je suis tombé dessus. Bon, Bonsoir, comment ça va tout le monde? Salut Andy, ben, ça va. Good, on avait hâte à ta chronique émotive. Oui, ben écoute, je sais avant qu'on parte de Montréal, tu avais dit qu'il faudrait faire du stock genre qui parle du FME, qui parle de l'Abitibi, qui parle de la région. Et puis t'as pas été surpris de ça, j'espère. Non, vraiment pas. Ok, c'est bon. Oh ouais, fuck, man. C'est ça. Que je fasse avec ça. comme tu sais très bien, ma famille au grand complet vient du Témiscamingue particulièrement, mais aussi à Rouyn. Et c'est d'ailleurs l'ennemi héréditaire de l'Abitibi. De l'Abitibi, là. C'est comme c'est l'eau bord de la rivière, là. Et voilà. Donc, peu importe, je vais quand même en parler parce que je considère que le tiré n'est pas assez pour justifier une guerre. Et voilà. Dans le fond, j'aimerais faire une espèce de biographie de ma grand-mère qui mérite clairement sa biographie. Puis ça donne un petit peu une petite idée de notre famille, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui et le courage, dans le fond. Ma grand-mère est clairement porteuse du Triforce du courage. Et je vais vous raconter ça vite. Ma grand-mère, qui s'appelle Marguerite Babineau, déjà là, tu pars à moins deux, est née le 13 octobre 1935. Donc, on commence la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, bang, ma grand-mère arrive. Donc, déjà là, on voit déjà le chemin de la douleur ou de la tristesse qui se dessine devant elle, qui pointe à l'horizon, en effet. Elle se marie, bon, elle est née à Saint-Zacharie de Beauce, donc c'est une Acadienne. Déménage à Moffett, je ne sais pas si vous savez c'est où Moffett, c'est sur le bord des lignes ontariennes. C'est un village pittoresque de 200 habitants l'hiver et de à peu près 4500 habitants l'été, parce qu'il y a beaucoup d'Américains et d'Ontariens qui viennent dans les pourvoiries du coin. Elle se marie à l'âge de 17 ans. Avec mon grand-père, qui lui en avait 27. Donc, évidemment, dans un contexte comme aujourd'hui, ça serait très difficilement justifiable. Mais elle l'aimait. Or, ma grand-mère a eu 4 enfants. Le plus vieux, Aurel, qui a eu un accident de moto en 1982. Il a failli crevé. Il n'a pas crevé, finalement. Je me plais bien à dire que c'est grâce à mon père qui pleurait sur la slab. C'est glauque, là, je vous avertis. Là. Qui pleurait sur la slab de l'oratoire Saint-Joseph. Il a survécu. Il est paralysé. Donc, ma grand-mère, encore aujourd'hui, s'en occupe. Donc, on prend le plus vieux. Un accident de moto. Hein? Un accident de moto, pas de casque. Et la belle ironie de la chose, c'est que son accident de moto, il l'a eu à Toronto et il est rentré dans une ambulance. Littéralement. C'est même pas une joke, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ouais, ouais, ouais. Donc, au moins, ça s'est fait vite. Le transport vers l'hôpital. l'ambulance était déjà là. Le deuxième garçon de la famille, parce que ma grand-mère a eu 4 garçons, le deuxième garçon de la famille est mon père. Mon père, comme vous savez tous ici à 70%, mon père est sourd. Donc, évidemment, tu arrives au deuxième, tu fais « bon, ok, c'est correct, il est sourd, on va essayer de conjuguer avec ça ». Je sais très bien que ma famille croyait que ça allait être l'échec de la famille. L'histoire, dans à peu près 5-6 minutes, nous dira le contraire. Un peu plus tard, ma grand-mère, ma famille, à ce moment-là, a eu 2 feux de maison. La première, il n'était pas à la maison où est-ce que ça s'est passé. Donc, la maison a été perte totale. Le village a aidé à reconstruire la maison, etc. C'est un beau concept de village. La deuxième fois, mon grand-père, il y avait un poêle à bois parce que dans le temps, en 1969, à Moffett, tout était avec des poêles à bois. A décidé d'allumer, de réchauffer la pièce, si tu veux, avec une canisse d'huile qui a comme mis dans le poêle à bois ou du moins voulait juste réallumer le feu. Une étincelle de trop apparaît. Et mon grand-père a un petit peu explosé avec la canette. et je me suis fait raconter ce matin exactement comment que ça s'est passé. Fait que dans le fond, oui, c'est ça. Donc, la canette l'a littéralement explosé dans le visage. Mon oncle, le plus vieux, Aurel, avec 14 ans, a pris mon grand-père qui était en lambeaux et l'a transporté dans la neige parce qu'on était en avril, c'était à Pâques. L'a enroulé dans la neige puis déjà là, ça l'a aidé à éteindre le feu qui était après. Mon père était jeune, il y avait 5 ans de différence, donc il y avait 9 ans. Là, ma grand-mère capotait pour mon père parce qu'il était sourd, va essayer de le réveiller, le sortir. Mon grand-père se lève, embarque dans la voiture, dit « oh mon Dieu ». Mon grand-père dit « OK, il faut faire de quoi pour la maison parce que la maison est en train de brûler ». Et ma grand-mère voit mon grand-père avec des morceaux de lambeaux partout. Puis elle fait « OK, non, attends un peu, ça marche pas, là, va falloir qu'on fasse autre chose ». Et évidemment, on est dans un village perdu dans le fin fond du bois. Donc, transporter un grand brûlé, l'hôpital le plus proche était celle de Ville-Marie. Donc, la première idée qu'elle a eue, parce qu'elle n'habitait pas dans le village directement, ça a été de transporter mon grand-père vers l'église. Donc, j'ose imaginer que ma grand-mère rentrait avec mon grand-père en disant « sanctuaire, sanctuaire ». Je me plais à me dire que c'est ce qui s'est passé. Donc, par la suite, finalement, réussi à trouver quelqu'un qui pourrait amener mon grand-père. Il a passé 3 mois à pas trop savoir s'il allait mourir. Un peu comme mon oncle qui s'est passé, qu'il a passé un mois à pas trop savoir s'il allait mourir. Et finalement, mon grand-père réussit à survivre. Le village aide ma grand-mère, encore une fois, à remonter tout ça. Et pendant ce temps-là, il y avait mon père qui devait s'en aller à Montréal à tous les années. Parce que dans le temps, l'intégration des handicapés dans leur milieu naturel n'existait pas. Donc, il fallait les prendre, les envoyer au zoo à Montréal. Et d'ailleurs, on sait un petit peu, il y a eu une émission d'enquête il y a à peu près 3 ans, et j'ai appris à ce moment-là que mon père, la première personne qui parle dans l'émission d'enquête, qui parle des frères et des sœurs qui abusaient des petits-enfants, ben la première personne qui parle dans cette émission d'enquête est mon père. Ah. Fait que, on a eu une conversation par la suite en disant « Père, ça va? Tu jasais un petit peu? » Par la suite, il y a eu le troisième gars qui est régent. Mon oncle Réjean, qui est très gentil, un idéaliste, un grand cœur, quand tu es dans la région et que tu n'as rien à faire puis que tu n'as pas beaucoup d'argent pour idéaliser, ben, tu prends de la drogue. Tu vas dans les Hells, tu vas dans les Heroes. Ben, je sais pas, ici, c'était les Fox quelque chose, je ne m'en rappelle plus trop. Il y avait un terme, il y avait un nom pour ça. Jusqu'à aujourd'hui, il est en train de remonter le chalet. Là. En ce moment, ça fait 6 ans qu'il remonte le chalet pour l'hiverniser, pour pouvoir habiter dedans. C'est dur, c'est pas facile. Remonter un chalet, ça a l'air, je sais pas. J'ai pas de connaissances en charpenterie. Fait que c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui se bat très, très fort avec la drogue, dans le fond, la marijuana, la cocaïne, etc. Un gars avec un grand cœur, mais bon. Fait que ma grand-mère s'en occupe un peu, tout en disant, du haut de ses 80 ans, on va avoir 80 ans dans à peu près un mois et demi. Du haut de ses 80 ans, s'occupe encore de ses deux plus vieux, ben plutôt de son plus vieux et de Régent comme ça en avait 30, genre avec des adolescents. Wow, c'est calvaire, bravo à la madame. Oui, puis j'ai mon dernier mononcle, je vais faire ça vite. Lui, tout ce que je sais, ben lui, il a réussi, là, mais tout ce que je sais de lui, c'est qu'il me frappait quand on jouait à l'Atari quand j'étais plus jeune. On avait 5 ans de différence, là, fait qu'il me faisait chier pour ça. Mais tout ça pour dire que... je pense que c'est un beau... évidemment, elle est encore en vie aujourd'hui. Tout s'est bien passé. Elle a passé 20 ans à s'occuper de mon grand-père, qui est décédé il y a à peu près 13 ans. OK. 12 ans. Et elle s'est fait un chum. Wow. Il y a à peu près 5 ans, nice. À 75 ans. Michel, je vais faire ça super rapidement. Elle s'est fait un chum. Là, son chum couraillait d'autres filles. Fait que là, nous... fait qu'elle a fait de l'attitude. Elle a fait non, non. Là, il demandait, ben, veux-tu danser avec moi? Puis elle a fait non. Je suis désolé, moi, je danse pas avec des gens qui dansent avec d'autres mondes. Je suis sûr que c'était tout beaucoup de métaphores là-dedans. Mais là, il revenait avec. Il a travaillé pendant 1 an pour la ravoir. Parce que hein, ma grand-mère, c'est quand même à 75 ans, c'est quand même un petit bout de femme. C'est une sainte. Et voilà, c'est une sainte. C'est ce que je considère. Puis, fait que dans le fond, j'ai fait cette petite chronique-là juste pour dire, ben je trouve que c'est un beau symbole du Témiscamingue. Je suis pas mal certain que c'est pas la seule, c'est pas la pire non plus, puis c'est pas la moins pire non plus. Ben, ouais, c'est pas les, mais c'est une belle histoire. C'est pas les Olympiades de la souffrance. Non plus. Je voulais juste partager de quoi qui me touche, puis en même temps, je voulais dire qu'il y a moyen de passer à travers tout ça. Il y a moyen d'avoir le Triforce du courage. Et voilà. Et voilà. Un show très humain, 70%. Wow. Ouais. Merci beaucoup, Andy. Magnifique. C'est une très belle. Je vous promets que ça va être drôle la prochaine fois. On peut lui en donner. Bon, ben, écoute, hein, une affaire à la fois. Sinon, ben, moi, tu parlais de tunes émotives, chargées. Ouais. On va ici avoir quelqu'un, peut-être un pape dans ce domaine-là. C'est Eustache Paulin et Manchot Royal. Voilà, c'est sublime. Tu nous gardes. 70% et on revient en studio avec Jean-Patrick pour sa chronique. La même que d'habitude. Voilà, des 5 à 7. Et d'ailleurs, j'aimerais profiter de l'occasion pour dédier cette chanson à tous les amoureux. Quand ce que la planète a canté à l'Antarctique, le froid nous a surpris, on n'a pas pu s'envoler. Pour m'envoler, mais je suis pris ici pour le reste de ma vie. On est des manchots royaux, majestueux. On est des manchots royaux, majestueux. Si bon à regarder, il est le plus beau spécimen. La maman prend des marches autour de son village, cherchant un bon mari pour prendre garde de son petit. C'est vraiment une de mes chansons. Ah, tiens, voilà. Non, c'est l'Internet de la place qui a décidé qu'on avait eu assez d'Eustache Paulin. Quand même, ça va avoir réveillé des belles émotions, ce qui va m'amener à tranquillement, pas vite. Peut-être, Andy, me parler d'un des beaux souvenirs que tu t'es fait à cette édition du FME. Toi, c'était ta première fois. Oui, c'est ma première fois au FME, je confirme. Un de mes plus beaux souvenirs, je pense que c'est vraiment le Café du Cadre. Ben, c'est pas un souvenir, c'est genre 88 souvenirs jusqu'à maintenant, là, à chaque fois. Donc, le 4 filles du cadre, là, prenez ça, c'est vraiment bon. C'est 2$, ça n'existe pas des cafés à 2$ à Montréal. Ben, c'est non, pas bon comme ça. Non, Christophe. Non, c'est vrai. Et voilà, bon, ben, tu t'entends, tu vends ton café pas assez cher. Peur. C'est le but. Jean-Patrick, bonsoir. Bonsoir. Alors, ben, c'est ça. Je suis de retour. C'est effectivement le soir. Ouais. Donc, dans cette chronique, on a, comme je vous avais promis au départ, une chanson. Une chanson que je vais contextualiser. À l'époque, c'est Lise Payette qui anime une émission à la télévision. Et elle est accompagnée de Yves Desgagnés, qui est comme son faire-valoir. C'est ça, c'est Noël ou je ne sais pas trop quel événement. Ils sont déguisés en reine de Noël. Puis lui, il a l'air de gratteux. Fait que c'est assez intéressant. Et là, ben, il accueille Camille Sanson qui pousse sa toune. C'est assez intéressant. Ceci dit, ce qui est encore plus intéressant, c'est la mini-entrevue que fait Lise Payette avec Sanson après. Ça vaut vraiment la peine. Et voilà. Un vieil extrait de Radio-Canada, genre. Ouais, c'est à ça. À 70%, vous êtes au CFME. C'est ça, les gratteux de petit prix. Pour 91, vous en contexte. Ouais, ouais. On écoute Camille Sanson. Waouh. Wow. C'est ça. Camille! Il danse déjà. Oh. veux-tu jouer? Bonhomme, bonhomme, veux-tu jouer? Veux-tu jouer de ce violon-là? Veux-tu jouer de ce violon-là? Sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, bonhomme, tu n'es pas maître dans ta maison, car nous y sommes. Tu n'es pas maître dans ta maison, car nous y sommes. Veux-tu jouer de cette guitare-là? Veux-tu jouer de cette guitare-là? Sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, bonhomme, tu n'es pas maître dans ta maison, car nous y sommes. Veux-tu jouer? Bonhomme, bonhomme, veux-tu jouer? Bonhomme, bonhomme, veux-tu jouer? Bonhomme, bonhomme, veux-tu jouer? Veux-tu jouer de ce piano-là? Veux-tu jouer de ce piano-là? Veux-tu jouer de ce piano-là? Veux-tu jouer de ce piano-là? Viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, jouer de cette cornemuse-là? Veux-tu jouer de cette cornemuse-là? Veux-tu jouer de cette cornemuse-là? Bien plaisir à Mme Godesmel. Ah oui, et à moi aussi. Ah oui. Mais il faut dire que M. Samson est peut-être actuellement le seul politicien au Québec à avoir encore le goût de rire. C'est... Bah, écoutez, si vous aviez été à l'Assemblée nationale aussi longtemps que moi, vous auriez le goût de rire. Mais est-ce que vous trouvez que ça fait trop longtemps que vous voulez en sortir? Oui, je vais en sortir, sûrement, et ça va se faire bientôt, là, d'ici une trentaine d'années. C'est voilà. Je sais, mais vous n'êtes pas pressé, pressé. Est-ce que vous avez... Là, c'est rire des autres à bon escient. C'est rire des autres. À bon escient. Est-ce que vous avez un bureau maintenant, là, parce qu'il y a eu un bout de temps, il n'y avait pas... Wow. Ah ouais, ah. C'est vraiment un extrait weird. On est allé dans le folklore avec Jean-Patrick et Camille Samson. Qui était originaire de la place, je le précise. Et voilà, on a eu quand même. Donc, j'ai été vraiment dans le thème, moi, je pense. Oui, oui, oui, contrairement à certaines personnes. Hey! Ceci dit... Mais non, mais tout le monde, en fait, a été dans le thème. J'ai pas dit que c'était sur ce show-site, là. Moi, je pense que tout le monde a bien fait ça. Ben oui. Ben oui, ouais. Bruno, il est allé dans le cœur de Rouen. Ouais, Andy dans ses racines et toi dans ses... Flyer. Ouais, exactement. Et sinon, un souvenir de ce FME, toi, Jean-Patrick? Ben, écoute, juste avant, je veux quand même te préciser quelque chose. Pour le parti Rhinocéros, on a oublié de mentionner pourquoi devenir candidat. J'arrête pas de dire qu'on en a besoin d'un à ouais, Jonquière. C'est ça, ça prend un j'arrête avantage. Pas de dire Jonquière. C'est pour ça que j'en trouve pas un, je pense. Ça, hein? C'est sûr, ça l'aide non, pas. À Rouyn-Noranda. Et donc, ben, c'est ça, en fait. À quoi ça sert d'être candidat? Ben oui, oui, c'est sûr, ça sert à dire des conneries pour faire réfléchir ou agir. C'est une forme d'activiste de protestation intellectuelle, si on veut. D'accord. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben première des choses, on vote pour soi-même. C'est bien la seule fois que tu votes pour un politicien que tu crois. T'sais, c'est quand même quelque chose. La deuxième chose, c'est que tu as un accès dans tous les endroits. Par exemple, les centres d'achat, les édifices à plusieurs portes d'appartements, et tu as le droit d'aller jouer de la musique. Fait que nous, on a des candidats musiciens qui sont rentrés dans des centres d'achat pour faire leur propagande, puis entre autres faire un show, puis ils ne pouvaient pas se faire sortir parce qu'il y a une lettre d'Élection Canada qui c'est te protège. C'est merveilleux! Je sais, qui fait que si quelqu'un t'en empêche, il y a 2 000 $ d'amende. Alors, ça vaut la peine. Fait que tout ça pour dire qu'il y a un outil, le candidat, que les autres n'ont pas. Un candidat, c'est parce que c'est d'autres politiciens qui ont voté ces lois-là pour s'assurer qu'ils pourraient le plus possible aller chercher des votes. Et c'est un droit de parole, faire ça. Alors, s'il y a un endroit où on peut encore... Donc, tu es en train de me dire que si quelqu'un veut faire un show dans un centre d'achat, ça peut devenir une manière légale et cette personne-là ne pourra pas se faire mettre dehors parce qu'il va exercer son droit électoral et ainsi de suite. Mais faut accélérer. Tous les activistes de ce monde qui se font taper dessus peuvent prendre ce moyen-là parce que là, ça, on ne peut pas l'empêcher. Ou en tout cas, tous les Canadiens activistes. Oui, de ce monde canadien, effectivement. Et voilà. Donc, sinon... Mon souvenir fantastique, moi, c'est l'arrière de cette radio ici. C'est mon souvenir le plus fabuleux. C'est très accueillant. Il y a l'Internet. On peut travailler à toute heure de la journée. Il y a des chèques aussi. Oui, c'est fantastique. Mais sinon, j'ai adoré le festival en tant que tel. Moi, contrairement à Andy, c'est mon meilleur avis. Et voilà, c'est dit. ça va sûrement être... parce que j'ai ouï dire qu'on va revenir en communication avec Stephen Harper. Juste avant, on va mettre une chanson qu'on finira certainement pas. Marc Drouin ou Paul Sarrazin? Marc Drouin. Puis ta vinaigrette, là? Non. Ah. Non, après l'école. Après l'école, il y en a. Vous êtes à 76%. Vous êtes à 70%, c'est FME 91.9. En direct du FME, c'est pas fini, reste la soirée métal. Attention, mesdames, messieurs, on a une grande visite ici dans le studio. Notre premier ministre, M. Playmobil Harper, Stephen Harper lui-même, s'est rendu. Bonsoir. Bonsoir, Fiante. Bonsoir. Comment ça se passe de votre bord? Ah, c'est très merveilleux. C'est le plus beau voyage que je vais faire maintenant. Si jamais tu as besoin d'aide, je fais son traducteur, mon ami Tommy. OK, ben je sais pas. Vous avez l'air d'avoir déjà une dynamique établie. Toi, tu fricotes avec le pouvoir, mon cher. Ben, c'est un fricoteur. C'est pas ça du tout. Ça remonte d'une histoire de brosse qui était au cabaret il y a 10 ans, maintenant, alors que M. Harper est encore traducteur. OK. Mais on est content d'être ici avec vous autres pour le FME. Ben oui. Et comme le disait le parti, c'est comment? C'est important d'aller par l'en avant, pas par l'en arrière. Moi, je suis son motivateur, M. Harper. Mais tu m'avais dit Stephen. Ah, Stephen. Arrête. Hey, non, faut pas que tu me chatouilles pendant qu'on est en nombre. Alors donc, on se disait qu'on parlait pas d'érection pour le... Ah non, il faut pas parler d'érection parce que quand on parle des érections, ça fait toujours une bisbille dans la vie de ma femme et avec moi. T'as-tu vu des concerts où ce que tu aurais pu éjaculer? Non, faut pas dire ça, non. On a-tu le droit de dire éjaculer? Tu peux dire éjaculer comme tu veux, ça me semble très scientifique. Je t'ai dit, je le connais pas profondément, le premier ministre. J'écoute. D'ailleurs, t'es en train de parler d'éjaculation en onde avec lui. Ben, c'est que Vincent m'a montré les choses comme... c'est comme Zorino dans Tata. Hein? Pourquoi faut-il que Zorino s'en aille? Pourquoi? faut-il que Zorino s'en aille? Pourquoi faut-il que Zorino s'en aille? Un fan des Beatles, de Tintin, on connaît ses classiques, bravo. C'est important, la Tommy, tu pourrais demander au premier ministre s'il a éjaculé pendant le FME? Ben, ça m'intéresse pas vraiment. Non plus, je suis. Non, c'est le Canadien moyen n'est pas intéressé par les élections de mon parti et des membres que je porte. Je pense qu'il a raison, mais un beau spectacle. Je pense que je vous ai vu au tailgate, il y avait un trash. Oui, c'est important, le techno. Effectivement, un grand amoureux demander, de la culture. Est-ce que vous pourriez demander au premier ministre quel est son groupe favori? On peut. Monsieur le premier ministre, on me fait dire que peut-être qu'on aurait une réponse drôle à la question. Quelle est votre bande favori? Mon groupe favori est Deglo Abortion. Je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé cette cassette dans la chambre de mon fils. Non, monsieur le premier ministre, le parti n'est pas d'accord avec cette dernière discussion. Pouvez-vous dire que vous n'avez pas inhalé dans la chambre de votre fils, s'il vous plaît? Je n'ai jamais inhalé mon fils dans sa chambre. Ça me semble legit. Quand même assez bon enfant. On vous sent pas trop stressé par l'actuelle campagne électorale, monsieur? Du tout, les enjeux étant très clairs, je prends le plaisir des élections quand il vient. Très bonne attitude. On vous souhaite d'ailleurs, encore une fois, je pense au nom de tout le monde ici, la pire des chances. Je le prends, Tommy. Je le prends. Okay. Et voilà. Merci beaucoup à Stephen Harper et son motivateur Dr. V. C'est pas mal là-dessus qu'on arrive à la fin de l'émission. Ça a été une superbe aventure. Merci à Marianne et René, deux folies, un banjo. Merci à Jean-Patrick. Merci à Andy. Merci à Bruno. Merci à moi. Merci à Élise. Guylain aussi. Hein, on y en donne encore. Merci. Sinon, je vous laisse. On a fait les remerciements de la technique et du festival au début de l'émission. Et des premiers ministres. Oui, c'est ça. On a remercié aussi Justine. Et voilà. On a payé, là. Là-dessus, je vous laisse avec deux tonnes de jeux vidéo parce que j'aime vraiment ça que ça passe à Radio en Abitibi, ça. C'est-tu que j'aurais tué pour que ça arrive le 15 ans. Mon nom, c'était Tommy. 70% retourne à la maison. Pour je sais pas la quatrième année consécutive. Au CFME à 21h. La radio du FME. Cool! Parfait! Ah! Qu'est-ce que c'est qui arrive là? Oh! Wow! Dans ton salon, la meilleure émission. Hey, vous allez écouter le manège des vanités sur CFME. De 22h à 23h. Mais le 23h, fini même trop tard. J'ai 4 enfants, moi. Chialé! Yo! Yeah! Yeah! Yo! Yeah! Bon, arrête ça là. Good. C'est ça, c'est lui qui dit ça. Bon, arrête ça là. Merci à nos partenaires officiels, Hydro-Québec et Boréal, pour leur soutien au 13e Festival de musique émergente.